seulement 20 ans. J'ai déjà vécu plein de choses, cette overdose de sentiments me rapproche de la psychose. La vie est dure et en plus faut toujours prendre sur soi. Moi j'ai besoin d'un exutoire, donc j'ai rencontré Pleura. Ma psychothérapeute nomme écriture et elle m'aide, car j'ai besoin d'évacuer les démons qui me possèdent. Avec mes textes frères, je me libère de l'esclavage, mentalement prisonnier, mes chaînes se brisent avec mes pages. Rends de l'âge en moi, cette impression d'être en retard. La seule chose accomplie, c'est d'être ce phénomène de foire. Entre le bien et le mal, j'essaie de trancher chaque soir. J'ai du mal à croire en ce bien qui n'est qu'un esprit. Mon but n'est pas de faire preuve d'intelligence. Avec ma petite expérience, je retranscris ce que je pense. La concurrence de merde fait de cette vie un concours. Besoin de donner mon point de vue sur le monde qui nous entoure. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Trop timide pour m'exprimer autrement qu'en poésie. Voici une partie de moi, voici une partie de ma vie. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Je reste toujours le même, j'ai pas un esprit binaire. Y'a des milliards de raisons qui font que je me perds. Je suis bancal un peu comme la tour de piste, tiraillé par des pensées toujours aussi destructrices. Triste comme mon art, mais je suis loin d'être artiste. Je marche sur leurs pas et pas sur ceux de l'antéchrist. Ma vie entière, puis mes textes sont des prières. Je me dois d'avoir un cœur de pierre, ma sensibilité me perd. Certes, j'apprécie les valeurs que je représente. La vie est trop courte, faut la vivre au présent. Au présent, t'es la société qui me rend schizophrène. Cette maladie m'embrasse, ça m'embarrasse, mais je l'aime. J'ai la haine, même si c'est l'amour que je prône. Je suis fou, ou du moins, j'en ai les symptômes. Syndrome d'un jeune rempli de contradictions. Je me pose des questions, suis-je un con sans tradition? Y a-t-il une solution pour les personnes sans repère? Dieu m'aide et me guide, en tout cas, je l'espère. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Trop timide pour m'exprimer autrement qu'en poésie. Voici une partie de moi, voici une partie de ma vie. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Je reste toujours le même, j'ai pas un esprit binaire. Y a des milliards de raisons qui font que je me perds. La solitude forge mon mental que je décris sur instrumental. Je me sens mal intérieurement, le puzzle de mon idéal est loin d'être construit. Le finirai-je un jour? Je me perds à raconter avec colère mon séjour sur terre. À ceux qui veulent bien l'entendre, je vendrai pas mon âme au diable, ça vaut pas le coup de finir ensemble. Faut prendre conscience que la vie n'est pas une science. J'ai une dépendance au regard dans le vide de l'insouciance. L'enfance et sa candeur qui est splendeur me manque. Malgré mes efforts et ma droiture, mon bateau tangue constamment, sciemment. Je cherche un équilibre et dans quelques années peut-être que je serai libre. Je déambule dans la rue comme un enfant perdu à la recherche des souvenirs que j'ai répandus. Je cogite trop, je gâche les neurones de mon cerveau. Ma pensée est trop complexe pour la résumer avec des mots. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Trop timide pour m'exprimer autrement qu'en poésie. Voici une partie de moi, voici une partie de ma vie. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Je reste toujours le même, j'ai pas un esprit binaire. Y'a des milliards de raisons qu'il faut que je me perds. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Trop timide pour m'exprimer autrement qu'en poésie. Voici une partie de moi, voici une partie de ma vie. Qu'elle soit réfléchie ou non, je me perds dans mes pensées. Si la folie m'épie, c'est que c'est impossible d'être censé. Je reste toujours le même, j'ai pas un esprit binaire. Y'a des milliards de raisons qu'il faut que je me perds.